c'est un jour de fête nationale. C'est le peuple qui s'exprime, c'est une joie populaire. Vous allez instaurer un État islamique ? Mais avec l'aide de Dieu, mais bien sûr. Avec l'aide de Dieu, ça va régler tout le problème que connaît le monde moderne. Moi, je pourrais même vous le dire en tant qu'intellectuel, c'est des problèmes d'ordre moraux. La civilisation occidentale, elle a basé sa vision sur le matérialisme. Voilà où nous a mené le matérialisme. Vous n'avez qu'à voir la déchéance occidentale, ces solutions se retrouvent dans l'ordre de Dieu. Les hommes ont failli. El-Mushri'a, voilà. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça dans va ? Dans la vie de tous les jours, eh ben, c'est tous les problèmes qui vont être résolus. Comment ? Lesquels ? Par le travail. Parce que la religion islamique, elle a basé toute sa philosophie sur la participation de l'homme. L'homme doit participer à tous les niveaux. Et vos valeurs, c'est l'islam ou la démocratie ? Que signifie la démocratie ? Si la démocratie va à l'encontre des lois de Dieu, nous la refusons. Elle est coffre. Voilà. Maintenant, si la démocratie, elle n'est pas en contradiction avec l'ordre de Dieu, ça sera quelque chose de merveilleux. En janvier, l'armée débarque le président Chadli et annule le résultat des élections. Ali Haroun, ministre des Droits de l'Homme, justifie cette décision.